Le conducteur doit céder le passage au cycliste? Oui, réponse A. Non, réponse B. Au piéton? Oui, réponse C. Non, réponse D.